est une menteuse, elle est là pour plaisanter. Je l'avais senti, qu'elle plaisantait. Elle c'est une menteuse, elle est là pour plaisanter. Je l'avais senti, qu'elle plaisantait. C'est elle que je voulais à la base, mais j'ai laissé tomber. Elle disait qu'elle m'aimait, mais pour moi elle a appelé Condé. Et à la base tout allait bien, une famille on voulait fonder. Manque de peau pour moi, je suis tombé sur le fruit défendu. Je ne suis pas un voleur, encore moins un menteur. Elle est dans une longueur, à bon entendeur. Je ne suis pas un voleur, encore moins un menteur. Elle est dans une longueur, tout ce que je voulais c'est son bonheur. Elle c'est une menteuse, elle est là pour plaisanter. Je l'avais senti, qu'elle plaisantait. Elle c'est une menteuse, elle est là pour plaisanter. Je l'avais senti, qu'elle plaisantait. Cette putain de réputation, il me colle à la peau. Elle m'a vendu des histoires, mais je ne suis pas un collabo. Et ça y est, les blabla, des changements d'humeur, je les paie. Et devant la ligne d'arrivée, j'ai perdu l'envie de t'aimer. Je ne suis pas un voleur, encore moins un menteur. Elle est dans une longueur, à bon entendeur. Je ne suis pas un voleur, encore moins un menteur. Elle est dans une longueur, tout ce que je voulais c'est son bonheur. Elle c'est une menteuse, elle est là pour plaisanter.